Bonsoir à tout le monde, veuillez me pardonner. Soyez tous salués et soyez les bienvenus sur Tata Nzambe le Tout-Puissant Kana. Pardonnez-moi pour le retard. Le show était normalement programmé il y a de cela une heure, plus précisément à 21h. Imaginez-vous là, il est 22h26, pardonnez-moi. Il y a beaucoup de problèmes ici aux États-Unis. Hein. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais nous avons nos problèmes à nous. Et donc, il a fallu. J'ai dû être empêché au cours de mes déplacements. Il y a aussi les raisons professionnelles. J'ai beaucoup de responsabilités et tout ça là. Donc, ça va. Sinon, ça va. Et je me suis dit, ce serait malhonnête de ma part, puisque j'ai même avisé les gens sur Facebook, un peu partout. J'ai demandé que tout le monde soit là pour cet enseignement-là. Donc, merci beaucoup d'être rentré. Nous allons donc commencer dans les minutes qui suivent et que si vous avez des amis et connaissances, vous avez le temps de les inviter. C'est le week-end quand même, hein? C'est le week-end, même s'il est, il est quelle heure? 22h26, c'est quand même le week-end, vous avez le temps de bien suivre ceci. Je ne prendrai pas trop de votre temps, je ferai mieux pour qu'avant minuit, on se sépare. Donc, s'il vous plaît, invitez les amis et connaissances, soyez tous bonsoir mon ami qui est en Chine. Mon ami, comment il s'appelle encore, Diallo, Alpha, comment il s'appelle. Bonsoir pour tous ceux qui me suivent à travers le monde, depuis le Gabon, et je pense à tous ceux qui se reconnaissent. Hein. Je pense à mon rival qui me suit là, qui attendait depuis longtemps. Je pense à ceux qui sont du côté de Franceville, je pense à ceux qui sont en France, je pense à ceux qui sont au Sénégal. Donc, soyez tous salués et pardonnez-moi encore du retard. Donc, pendant que vous invitez vos amis et connaissances, s'il vous plaît. Hein? Et j'espère que mon fils a déjà fait passer la lettre sur le baobab. Je vais donc vous faire écouter quelques moments de musique de chez nous. Merci beaucoup. Merci. Je vous donne donc le temps d'apprécier ceci. Et veillez, s'il vous plaît, inviter le maximum de personnes. Merci encore. Ma, Victoire Lumumba, na Nonia, na Ndunge, na Mulenda Bosobola, na Bonende Bubona Wall, na Mulenda Bobiko Mengo na Mel. Yo, singa singa na Bukor, Bobibino, na Molo. Yo, watch, forget the good people, Eva, Oima. Gombi mango bili tuba ya gomba ngwa na rapindi ndete tabi nyumba olipidi ya long ngongima ndobo no komisi ngongima ki merci beaucoup. Le temps pour moi de bien vous purifier, rassurez-vous que ce que je suis en train de faire, c'est un travail de purification. Hein. C'est, vous recevez la même chose. Hein. Tous ceux qui sont sur Tata Nzambe, le Tout-Puissant Akana, tous ceux qui sont sur Tata Nzambe, le Tout-Puissant Akana, ils reçoivent cette mixture de près de 9 différentes feuilles de la brousse de nos forêts et quelques-unes des feuilles qui ont été prises dans la forêt brésilienne. C'est autant de poudre pour vous permettre d'être protégé contre les assaillants, contre tout ce qu'on appelle les miasmes du bas astral. Donc, soyez tous salués. Merci encore d'être rentrés. Merci beaucoup. Que Teta Mwanga vous bénisse. Alors, ce soir, je vous ai promis, ce matin, sur ma page Facebook, ceux qui sont avec moi sur Facebook, vous avez sûrement suivi sur ma page Facebook, je vous ai prévenu du sujet d'aujourd'hui. Bien, une fois de plus, soyez les bienvenus et bonsoir. L'enseignement donc d'aujourd'hui va se baser sur une thématique très importante. Et cette thématique, j'y ai pensé depuis longtemps. J'ai essayé de discuter avec des amis qui sont également des maîtres initiés, qui sont dans le monde des mystères. Et pour ceux qui ne le savent pas, qui sont nouveaux, je vous prie d'aller regarder ma vidéo sur ma biographie. Si vous êtes abonné sur Tata Nzambe le Tout-Puissant, je vous prie d'aller jeter un coup d'œil dans ma biographie. J'ai une vidéo intitulée « Ma biographie », la biographie de Mwereyo Nouvier. Et ainsi, vous connaîtrez un peu, vous saurez un peu qui je suis dans le monde spirituel. Je ne suis pas ce genre d'initié qui accepte tout pour accepter. Qui accepte tout simplement par loi conventionnelle. Et qu'est-ce que c'est une loi conventionnelle? Une loi conventionnelle, c'est celle-là qui consiste à accepter quelque chose parce que la conscience collective a imposé cela. Il y a eu un ensemble d'individus qui se sont retrouvés quelque part, comme ça se passa en 325 de notre ère pour le cadre, n'est-ce pas, des églises chrétiennes, n'est-ce pas, à la création de l'église chrétienne, de laquelle, normalement, sont sorties toutes les sectes christiques que vous voyez à gauche, à droite, c'est en 325 que tous, par convention, et quand on parle par convention, on veut dire, tous se sont entendus comme un seul homme pour pouvoir fabriquer cette histoire que nous connaissons aujourd'hui, qui a bientôt 2000 ans, mais qui, en réalité, a 1000, au moins que je me trompe, 1604 ans d'existence, c'est-à-dire l'histoire d'un certain Jésus. Cela se passa donc par convention. Et que par convention, ils tombèrent tous d'accord que c'est comme ça, on doit l'accepter comme ça. Ok? Ça a commencé là. Donc l'Église catholique, apostolique et romana, bref, pardonnez-moi, mais c'est un peu pour vous faire comprendre tout de suite le sujet que nous allons parler ensemble. Et je vous autoriserai de poser des questions. Moi, je n'agis pas par convention. J'ai été clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Même mon grand-père, lorsque, je m'en souviens, à Lambaréné, dans le lac Azingo, nous allions dans la profondeur de la grande forêt. Pour ceux qui sont de Lambaréné connaissent le lac Azingo. J'ai passé beaucoup d'années là-bas, en passant par Adégalien, en passant par pas mal d'endroits. OK? Et ensuite, le lac Zilé. Nous avons nos plantations là-bas, ma tante Nonche Charlotte, Nonche Yonoubie. Et je vous disais que j'avais un grand-père, Bapindi, qui s'appelait Mweka. avec sa sœur, sa fille appelée Mubongo. Donc, nous avions nos plantations. Jusqu'aujourd'hui, j'ai des plantations qui sont dans le lac Zilé. Alors, dans ces milieux, le grand-père Mweka, avec un cousin d'Ingumba, je ne sais pas s'il vit encore, que, je ne sais pas s'il vit, tant mieux. J'aurais souhaité qu'il suive ceci. Il s'appelle Dingumba Philippe. Et j'ai une petite sœur appelée Omubiki, Obikidia. Obikidia, tous ces mecs-là vivent, sûrement, j'espère. Alors, tous ces gens, donc, quand j'étais autour du grand-père, à chaque fois qu'il me donnait, il me montrait quelque chose, je posais trop de questions. Imaginez-vous, j'étais encore tout jeune, à peine classe de CP1, CP2. Il me dit, mais mon petit, toi, tu poses trop de questions, hein? Tu es trop intelligent. Il dit, c'est une bonne chose. J'ai dit, mais oui, c'est peut-être ça. Donc, ça veut dire que pour moi, c'est un peu inné. Je suis né avec cet esprit de toujours poser des questions. Je ne peux pas accepter quelque chose qu'on me donne comme ça, et puis je dis, crois, je dois croire. Ce n'est qu'au cours de mes initiations, à l'âge donc de la raison, que je me suis rendu compte que, en fait, j'étais à ma troisième initiation consciente. Je répète, ce n'est qu'en allant m'initier dans certains grands mystères que je me suis rendu compte que, après mon initiation, que j'étais donc à ma troisième initiation consciente. Alors, j'ai compris. J'ai fait donc un voyage dans l'espace et le temps. C'est ainsi que j'ai été comme ça dans les deux dernières incarnations où j'ai reçu mon bâton de pèlerinage. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai toujours donné le livre de Descartes. Le livre de Descartes dans la méthode, s'intitule La méthode de Descartes. Vous pouvez commander ce livre donc sur Amazon. La méthode de Descartes, elle est toute simple. C'est l'esprit cartésien. Qu'est-ce que c'est l'esprit cartésien? L'esprit cartésien veut dire simplement que je peux accepter quelque chose à une seule condition, que ça réponde à toutes les questions qui me concernent et qui concernent de manière générale toute l'humanité consciente, ou l'humanité en un mot, la conscience, d'abord individuelle, ensuite la conscience collective. En d'autres termes, les questions que je me pose, en fait, ça doit être les mêmes questions que tout le monde se pose en ayant des raisons tout à fait normales et légitimes, et qui doivent répondre aux lois aux lois rationnelles, non conventionnelles, pardonnez-moi. Donc, en d'autres termes, l'esprit cartésien, c'est quoi? Mon rayon Mouvier vient vous dire que si vous prenez l'œuf d'un coq, qui existe d'ailleurs, je vous informe, vous me prenez cet œuf du coq, parce que le coq fait un œuf qui est tout petit, il est blanc. Vous m'amenez cet œuf du coq blanc, et vous allez me prendre l'œuf d'une poule, l'œuf jaune, je vous informe que ça existe. Vous m'amenez donc ça et vous allez m'attraper un crapaud et ensuite, vous allez m'amener un chat noir qui est vivant et vous m'amenez ça. Et je vais vous faire un rite comment vous pouvez donc devenir très riche. Je vous informe que ce rite existe bel et bien. Je l'ai appris auprès de mes amis du vaudou haïtien. Mais vous ne me posez même pas de questions. Hein? Vous vous précipitez. Tâtons-nous bien. Il a dit que je dois amener ceci. Donc vous amenez tout, vous tremblez, vous tremblez. Il faut bien suivre, à travers cet exemple, de quoi il s'agit ce soir. N'oubliez pas que le sujet de ce soir, c'est lequel? Quand doit-on avoir besoin, ou quand doit-on réellement avoir recours à la magie? À quel moment? Quand je parle de magie, que les gens ne puissent pas avoir leur échine se dresser ou avoir peur. La magie, vous pouvez consulter les dictionnaires Larousse. La magie, en définition, c'est simplement la pratique, la mise en application des lois universelles. Ces lois universelles que vous mettrez en pratique en fonction de la connaissance que vous avez eue dans tous les secteurs. Voyez-vous? Et vous les mettez en pratique. Et dès lors que vous les mettez en pratique, naturellement, vous avez été initié dans ces choses-là. Ça peut être la radiesthésie, ça peut être la magie, ça peut être les plantes, ça peut être... Par exemple, nos médecins dans l'ancien temps, on les appelait des sorciers. Imaginez-vous que jusqu'aujourd'hui, dans nos villages, en Afrique, il y a des gens qui font encore les opérations avec la machette. Et ils le font très bien. Quand quelqu'un devient fou, on ne va pas lui donner des médicaments n'importe comment. On fait une opération, on ouvre son crâne avec la machette. Mais on lui donne une feuille. Cette feuille s'appelle la feuille d'anesthésie. Donc, on anesthésie la personne. Donc, vous prenez, vous mangez cette feuille-là, et du coup, vous ne sentez aucune peine. Ça, ça a commencé dans nos forêts avant que la médecine ne le développe pas plus tard. Alors, la loi conventionnelle. Quelle est la différence entre la loi cartésienne et la loi conventionnelle? Avant de rentrer droit dans le but de notre sujet. L'esprit cartésien consiste pour vous d'accepter quelque chose que vous avez d'abord été amené à utiliser l'esprit rationnel avant de partir à l'esprit irrationnel. Donc, je suis ici sur terre, je suis sur cette terre, on voit ma tête, mon nez, je veux d'abord comprendre les raisons de X ou de Y problèmes qui me préoccupent dans ma vie. Donc, ça, c'est en tant qu'humain normal. Là, je parle en tant qu'humain normal, non pas en tant qu'initié encore. OK? Vous utilisez donc votre esprit cartésien. Et pour ceux qui sont chrétiens, je vous ai toujours cité le livre de... comment il s'appelle encore? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Il dit quoi? Toute connaissance, toute information qu'on vous apporte, veuillez l'examiner diligemment. OK? Veuillez l'examiner diligemment. Veuillez scruter. Et si vous prenez votre dictionnaire pour chercher le mot, la définition du mot scruter, vous comprendrez que c'est chercher avec diligence, avec sagesse, avec intelligence, avec profondeur. Pourquoi M. Moreau Nouviema dit que je dois lui amener une grenouille, je dois lui amener un petit œuf, l'œuf blanc du coq? Pourquoi il m'a demandé l'œuf jaune de la poule? Pourquoi il me demande d'amener un chat noir? Voilà l'esprit cartésien. OK? Vous n'allez pas vous précipiter m'amener ces choses. Et après, quand je vais vous dire, maintenant que tu as tout déposé ici, trouve-moi une épée. Et après cette épée, viens me voir et déshabille-toi. Mets-toi nu, oh homme. Et quand tu te mets nu, baisse la tête et vous allez vous soumettre bêtement. Et je vous informe que ce que je vous suis en train de vous dire, loin de comédie, c'est des choses qui se passent. Même au sein des églises. Je m'adresse à nos mamans là. Oh pasteur, mon mari et moi on ne fait pas d'enfants. Je ne sais pas comment faire. Ça fait maintenant 9 ans, Nyambie. On est mariés, on n'arrive pas à faire les enfants. Rera. Je fais comment? Pasteur, le pasteur va te dire, oh, mais ton mari, oh, il est maçon, non? Oh, papa, pasteur, moi je ne connais pas. Mais oui, il est maçon, il a sacrifié. Mais, tu sais, l'Esprit de Dieu me dit ceci. Viens faire la veillée de prière. Que mes frères, pasteurs, me pardonnent. Moi je sais de quoi je parle parce que j'étais dans ces milieux. Quand j'étais au lycée technique dans les années 79, les années 78-79, les églises éveillées. On demandait les gens d'aller veiller dans les églises. Oui, oui, dans le noir. Veiller des prières. Veiller des prières. De 23h jusqu'à 4h du matin. Mais nous savions ce qui s'est passé. Ce que je vous dis donc, je n'invente rien. Donc maintenant, la maman est en train de pleurer. Surtout nos mamans, là, je m'adresse à nos mamans. Nos femmes, là, nos mamans, là, sont trop susceptibles et trop sensibles. Je veux l'enfant. Vraiment, mon mari, je ne suis pas heureuse dans le foyer. Il risque de m'enlever du foyer. Et le pasteur va vous dire, il faut venir. Il y a une prière spéciale. Alors, ma soeur, tu arrives au rendez-vous? Oui, oui, oui. OK, c'est bon. Mais tu sais, hein, la Bible, c'est un livre de mystère. Il est écrit dans le psaume que vous devez vous baigner de l'hysope. Ma fille, attends, j'ai une huile. Voilà. Voilà l'huile en question. Ah, voilà. Ça, c'est l'huile bénie. Hein. C'est l'huile des saints archanges, comment il s'appelle? Saint-Michel. Donc, oh, je vais te frotter ça au visage, ma fille. Alors, je vais te frotter ça au visage. Bien fait. Alors, mets-toi nu, enlève la robe. Ah, pasteur, tu es venu chercher l'enfant, oui ou non? Oh, oui, oui, oui. Alors, on frotte l'huile sur les seins des mamans. On frotte, on frotte, on frotte jusqu'au ventre. On commence même à profiter de caresser la pauvre. Hein? Et ce n'est pas tout. On demande à la maman de s'asseoir. Et puis le pasteur dit, bon, nous allons prier pour toi, maman. Mais seulement, tu sais, le Saint-Esprit se manifeste de diverses manières. Hein. Il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres que les 120 disciples étaient réunis, et y compris la mère de Marie. Mais un vent très fort frappa du toit, de la toiture de la maison. Un vent qui a frappé très fort, et ça fait peur tout le monde. Et de là, l'Esprit de Dieu descendit comme des flammes de feu sur les têtes des gens. Maman, Tu as entendu? Tu as lu ça, non? Oui, pasteur. Ok. Et je vous informe, pour ne pas être comique, je suis sérieux dans ce que je dis. Ceux qui sont nouveaux, allez-y me suivre ma vidéo sur comment les hommes religieux et les hommes politiques vous manipulent psychologiquement et somatiquement. J'ai intitulé ce chapitre « La manipulation psychologique et somatique ». Parce que surtout le somatisme, pour ceux qui sont nouveaux, je vais vous expliquer le somatisme. Le somatisme, c'est cette faculté de cet état où on vous amène à créer une maladie dans une légion. Et non, même le pauvre médecin est dépassé. Vous n'avez jamais entendu parler des gens « Oh docteur, j'ai mal ici ». Le docteur examine, il ne voit rien. « Ah maman, je n'ai rien vu ». Oh docteur, je crois qu'il faut même faire les examens. On va faire les examens, on ne voit rien. Donc, cette personne souffre à créer ce qu'on appelle une maladie imaginaire. C'est ça ce qu'on appelle la manipulation somatique. C'est pour cela, dans la science, nous disons que la plupart des maladies, telles que l'impuissance, normalement même jusqu'à l'âge de 100 ans, je vous l'ai toujours dit, pour ne pas être pornographique, je ne suis pas en train de lire ce qui est sur l'écran. Je vous prie de poser les questions à la fin, s'il vous plaît. Vos questions, je les reçois à la fin uniquement. Laissez-moi me concentrer sur le sujet. Ok? Et le sujet d'aujourd'hui est le suivant. Est-ce que la magie... Ok? Que doit-on... Est-ce que... À quel moment doit-on faire recours à la magie? À quel moment vous devez aller voir un ganga? À quel moment vous devez aller voir un initié? À quel moment vous devez, moi, m'appeler? Comme je reçois des centaines de messages, de consultations, de ceci, cela. C'est à quel moment vous devez le faire? Cette question est très importante, hein? Parce que moi, j'ai vu des gens, même le moustique qui te pique. Le matin, tu te réveilles, le nez est gonflé parce que le moustique t'a piqué. Maître Mouere. Madame, c'est comment? Le moustique venait me piquer sur le nez. Le nez est gonflé. Je crois que ça doit être mon grand-père du village d'Ile. Maman, franchement, le moustique qui t'a piqué, c'est ça qui t'a fait gonfler? Eh ben, parce que le nez s'est gonflé et tu dis maintenant c'est le grand-père qui est resté à Zilé. Ouais, monsieur, nous bien, vous ne connaissez pas la réalité, tata. Moi, ma famille là me poursuit depuis mon jeune âge. Je te dis. Je me rappelle, il y avait un chien. Le chien courait avec une sonnette. Après, le chien avait la sonnette est venu me mordre. Je suis tombé en syncope. Bref, je risque de vous garder longtemps pour vous raconter toutes ces histoires. J'ai grandi au village, je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Toutes ces histoires-là, c'est des faits réels. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous maintenir longtemps. Donc, l'esprit cartésien, c'est d'abord de poser des questions. Posez des questions, n'acceptez pas bêtement quelque chose, parce que le ganga vous a dit ceci, cela. Ça, c'est un. L'esprit conventionnel, c'est ça qui vous tue. C'est ce qu'on appelle j'appelle ça les empoisonnements psychologiques. J'appelle ça les empoisonnements psychologiques. Pourquoi j'appelle ça empoisonnement psychologique? Pardonnez-moi, j'arrête un peu les bougies là. Pourquoi j'appelle ça les empoisonnements psychologiques? Mais simplement parce que les gens, dans leur conscience collective, ont fait véhiculer des histoires bizarres. Je vais vous dire une chose. Quelle histoire bizarre. Pardonnez-moi. Ici, on ne parle pas politique. Il n'y a qu'à rentrer dans la scène politique du Gabon. Oh, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'entend pas les gens dire? Oh non, tel a dit ceci. Oh, tel a fait ceci. Et les gens y croient. Et nos activistes là, rentre dans la toile en train de distraire les gens. Moi, j'appelle ça de la distraction. Au lieu de parler des vraies choses qui minent le pays, vous allez baser votre live sur des histoires des zombies. Non, quelqu'un m'a dit à la présidence. Et des fois, c'est pas vrai. Hein? Qui vous dit que tous ceux qui sont à la présidence vous disent réellement la vérité? Bref, c'est un exemple qu'on appelle la contagion ou l'empoisonnement psychologique. parce qu'on a dit quelque chose, et ce quelque chose va aller d'oreille à oreille. Souvent, je fais ce test-là quand je fais des cours de thérapie psychologique avec les malades. Je les réunis, 20. Je leur dis, bon, toi, première, dis à l'autre que je suis passé par la rivière hier et j'ai vu un chat noir. Dis à l'autre, je suis passé par la rivière hier et j'ai vu un chat noir. Hein, tu as dit quoi? Je t'ai déjà dit. Mon frère, j'ai vu un chat noir hier qui a sauté à l'eau dans la rivière. Le suivant, tu as entendu quoi? J'ai vu dans la rivière le chat qui sautait de l'eau. Le suivant, non, le chat a sauté de l'eau en mangeant une cellule noire. Voyez comment le message qui est parti de eux s'est modifié. Je crois, pour ceux qui ont fait ce genre d'études, vous savez de quoi je parle. Ça, c'est ce qu'on appelle l'empoisonnement psychologique. C'est parce que les gens disent des choses. Moi, je vous ai toujours dit pour mon cadre, je ne mange pas trois fois comme tout le monde. Je ne suis pas obligé de manger trois fois. Hein? Ça s'appelle les lois conventionnelles. Qui vous a dit que moi, je dois manger trois fois? Maintenant, quand je vais me retrouver bourré, incapable de satisfaire maman au lit. Tu ne sais pas que quand tu manges trop, tu bourres le ventre, tu ne fais pas le sport. Maintenant, tu vas aller avec maman au lit, tu vas donner des excuses. Petit papa ne peut pas se lever parce que tu as trop mangé, le ventre est bourré. Ouais? On vous demande donc de manger peut-être une fois ou deux fois. Mangez seulement quand vous avez faim. Vous n'êtes pas obligé de manger à chaque fois. Parce que les gens ont dit que non, il faut manger matin, midi et soir. Rassurez-vous, je suis dans le monde des arts martiaux, je suis dans le monde du sport. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Oh, monsieur, nous, vous ne mangez pas beaucoup et pourtant vous soulevez les poids. Si. J'ai dit, qui vous a dit que moi j'ai faim? Je ne dois manger que quand j'ai faim. Ça, c'est une logique. N'est-ce pas? Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Et c'est ainsi qu'on a des malades quand on arrive là-bas. Je lui rends visite. C'est comment? Oh, j'ai fait des cauchemars. Oh, j'ai rêvé que mon grand-père qui est mort me poursuivait avec une hache. En dehors de la hache, j'ai vu un chien noir. Un chien noir qui avait les yeux de mon grand-père. Mais j'ai dit, ça, c'est des cauchemars. Et ces cauchemars résultent du fait que ton ventre est trop bourré. Parce que quand vous avez le ventre trop bourré et que vous dormez, vous n'allez pas permettre votre âme, votre vampire ou votre esprit. Vous ne pouvez pas bien sortir à vampire parce que pour nous, le rêve, ça n'existe pas. Nous, on appelle ça la sortie. Quand le corps physique se repose, votre esprit sort. C'est ça. C'est pour cela que Tétain Mwanga a créé ça comme ça. Donc, quand tu dors, ton âme sort. Mais toi, tu as le ventre trop bourré. C'est normal que tu vas faire des cauchemars. Parce que le ventre est bourré. Ok, bref. À quel moment doit-on avoir recours à la magie? Vous avez un problème. Ok? Vous êtes parti à l'école. Vous partez en Europe. Revenons d'abord au Gabon. Moi, je vais parler de mon pays, le Gabon, parce que ça, c'est la réalité que je connais. Vous êtes là. Je vais vous parler de l'histoire que je connais très bien. Et je connais cette famille-là. Le frère, il est gendarme. La personne en question dont je vous parle, c'est un gendarme. Enfin, il doit être policier ou gendarme. En tout cas, c'est un policier. Le monsieur, dans les années 90, jusqu'aux années 98, oh, vous savez que c'est là où il y a beaucoup d'étrangers qui rentrent au Gabon, non? Donc le gars, quand il est là-bas à la frontière, il fait le contrôle des pauvres Nigérians, des Ghanéens, il vient les bastonne. Quand il s'agit de contrôle des taxis, « Hey, viens ici là! Toi, tu te crois où? Hein? » Bandit, yo, allez, viens ici là. Oh, patron, pardon. Moi, j'ai famille pour moi, j'ai donné manger. Je fais comment, vraiment, pardon, patron. Patron de quoi? Oh, patron, pardon. Est-ce que je peux trouver quelque chose? Pardon. Et voilà comment beaucoup de nos frères policiers et gendarmes sont rentrés dans la corruption. Le mec, donc, le glisse, lui, il donne une somme de 100 000 francs et il rentre. Et là, il n'est pas le seul, hein. Il va dans tous les carrefours, Banzanyon, partout. Le monsieur dont je vous parle, c'est un homme des forces de l'ordre. Je garde son identité. Il a fait ça. Il est parti. Voilà. L'année suivante, on l'a monté chef. Et ça ne s'arrête pas. Il continue à traumatiser les pauvres étrangers. Et même les Gabonais. Allez-y, mettez-moi ce mec-là. Il va le frapper n'importe comment. Savez-vous ce qu'il devient aujourd'hui? Il est paralysé. Et c'est un jeune homme, hein. Il a à peine seulement 49 ans. Il est paralysé sur une chaise roulante. Il crie à gauche, à droite. Et c'est là, ces fameux charlatans aussi sont des menteurs. Oh, papa Dibata. Oui, monsieur Mandjango. Oh, papa Dibata, voilà. Ça ne va pas. Oui, monsieur Dibata, je constate que vous ne marchez plus. Mais oui, vraiment, Ganga Bassé. Mais il t'a rien dit, tu as dit que vous ne marchez plus, tu commences à dire Bassé. Bon, monsieur Dibata, ouais. Ah, mais tu as ton oncle du lac Zilé. Oui, Mathieu, mon oncle. Alors que ces gars-là, ils sont bien renseignés. L'oncle de monsieur Mandjango, normalement, il se plaignait tout le temps. L'oncle de Mandjango se plaignait. Il envoyait les nouvelles avec les chauffeurs là qui amènent le poisson à l'embarrainer jusqu'à Libreville. Ah, moi, mon fils Mandjango, il ne s'occupe pas de moi. C'est comment? Mon neveu, c'est moi qui l'ai envoyé à l'école d'Isaac là. Dans les années 70-75, je l'ai amené à l'école à rien. Il ne s'occupe de moi, moi, son oncle. Mais le simple de se plaindre, rappelez-vous, je vous avais donné un enseignement que la sorcellerie, ce n'est pas forcément prendre un chat noir, le découper, ou bien commander une grosse bague noire. Ah, cette bague, j'envoie cette grosse bague-là pour tuer quelqu'un. Non, ce n'est pas ça forcément la sorcellerie. La sorcellerie, c'est les paroles qui sortent de votre bouche. Ne dit-on pas que, là je vais penser à nos frères chrétiens, là, vers leur histoire de Jésus. Il est écrit quelque part que, c'est l'apôtre Paul, de notre propre bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Donc, par conséquent, nous devons faire attention de ce qui sort de notre bouche. Donc, l'oncle de Mubanjo se plaignait. Et voilà l'onganga dans son siège, dans ses visions. Ses visions lui montrent que non, il y a un oncle. Donc, voilà maintenant, Mubanjo qui est sur la chaise, il a oublié tout le mal qu'il faisait aux gens à la gare routière. Il a oublié tout le mal qu'il faisait les gens à la frontière. Et tout le mal qu'il faisait les gens quand il était là-bas au port Mall. Les pauvres Nigériens, ils les bastonnaient, ils détournaient leurs sous. Ok? Oubliant que les Béninois, les Nigériens, tous ces mecs-là, c'est des gars qui font des fétiches forts. Aujourd'hui, il est paralysé. Maintenant, l'onganga lui dit, Mubanjo, oui, Mabako, oui, Dibata, dis-moi. Oh, mais ton oncle qui est là-bas, il est là, hein? Je crois qu'il a... je savais, Nyambiarera. Voilà pourquoi j'ai rêvé mon oncle. La dernière fois, il était en train de m'engueuler, il me regardait avec les gros yeux. Il dit, bah, c'est, voilà, moi, je te dis la vérité. Donc, pour te débarrasser de cette situation, c'est grave. Il faut me donner 10 vaches. Ah, 10 vaches. Vous allez donner 10 vaches. Et ça va coûter combien? Au Gabon, il y a les vaches. Voilà comment ce type-là, il va vous détourner les sous, il va vous ruiner. Simplement parce que vous avez oublié deux choses. Et ce sont ces deux choses que je veux partager avec vous ce soir. Comme vous le savez, moi, je ne me prépare pas. Pardonnez-moi si parfois j'ai du vent gauche à droite. Surtout que là, j'ai fait un long voyage de 4 heures de route. Là, tout ça allait embrouiller avec les histoires des familles au Gabon. Ah, envoyer l'argent, faites ceci. Pardonnez-moi, ça, c'est mon business à moi. Donc, pardonnez-moi. Je ne me prépare jamais. Mais ce sujet me tient à cœur. Voilà les deux choses que notre parent ne se rappelle plus. Un, comment il s'appelle? Mubanjo. Non, pas Mubanjo. Mandjango. Mandjango, lui, quand il était à l'école, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gars très, très, très turbulent. Il avait l'habitude de participer à l'affaire de Yobo, là. Ceux qui sont de ma génération, ils savent ce qu'on appelle Yobo. Au lycée technique, là, beaucoup de filles, hein, moi, je n'ai pas participé, je n'ai pas fait ça. Le Yobo, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils vont faire boire les filles-là, les bières regables, les castels. Maintenant, ces filles-là deviennent maintenant à danser n'importe comment. Donc, ils sont des fois 5 ou 10 gars. Allez, ils prennent la nana là. C'est ce qu'on appelle le yobo. Je ne vais pas rentrer de développer ça. Mandjango là, il faisait ça trop. Oh, Mandjango était impliqué dans beaucoup de conneries. Aller coucher les pauvres nanas en groupe. Aller terroriser les gens. Il frappait même les pauvres chiens. Rappelez-vous, dans mes enseignements de l'initiation douce. Parce que moi, je propose toujours deux initiations. Je maîtrise l'initiation douce, tout comme l'initiation forte. Dans l'initiation douce, là, on nous apprend qu'il faut respecter les 5 règnes. Règne animal, règne humain, végétal, minéral, divin. Il faut respecter ces règnes-là. Il faut aussi respecter les 4 éléments de la vie. Terre, eau, feu, air. Et respecter les esprits, là. Les esprits qu'on appelle les petits génies. Les génies de la terre, ça s'appelle les masiki, les gnomes. On les appelle les gnomes. Les gnomes ou les gnomes. Mais chez nous, on les appelle les masiki. C'est des êtres très petits. Ils existent encore chez moi, pas tranquille. Moi, j'en ai vu. Ces esprits-là, si vous les attrapez, vous allez devenir riches. Donc, ce sont eux qui gardent l'élément de la terre, là. Les salamandres, les esprits du feu. Les ondines, les esprits de l'air. Les elfes, les esprits qui vivent au milieu des rivières. Les esprits de l'air et tout ça, là. Je mélange maintenant tout. Les ondines, les elfes, les salamandres et tout ça. Donc, vous vivre en harmonie avec ces histoires-là. Mais quand vous mettez une vie vous menez une vie de désordre. Mandjango, non seulement il faisait les histoires de Yobo, mais il aimait trop coucher les femmes des autres, hein? Les femmes mariées. Hein? Et puis vous aussi, non, maman, là. Hein? Comment? Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, moi, mon mari, petit papa est mort. En tout cas, moi, mon Django, là, il me fouette fort. Ah, toi, tu m'as Django, mais tu te fouettes fort. Hein? Et puis tu acceptes, tu es marié. Alors que tu es en train de faire porter le pauvre Mandjango, tu es maintenant sur la chaise en train de regarder Dibata, le grand sorcier. Et le grand sorcier Dibata dit maintenant que c'est son oncle qui a gilé. Le pauvre papa, il est vieux, vieux là-bas, fatigué. Il va l'accuser. Entre-temps, maman, c'est toi. Tu étais marié, tu as accepté de donner la chose à ce mec-là de Mandjango. Mandjango, donc, était dans les histoires de coups fourrés. Mandjango était dans les histoires de voler l'argent aux pauvres Nigériens, aux pauvres Béninois qui étaient dans leur vaudou. Hmm? Le pauvre Malien, je m'en souviens. Il va engueuler, il est rentré dans le magasin de Moussa. Moussa, viens ici là. Oh, patron, qu'est-ce que j'ai encore fait, mon Dieu? Alhamdulillah. Il était en train de prier son Dieu Allah. Et te voilà, tu es avec le fouet. Bastonner le pauvre papa. Et le gars est parti prier. Bah, bismillah, ilah, ilah, alhamdulillah. Shalallah, ilah, ilah, Muhammadur Rasulullah. Wallahi, wallahi. Ah, le policier là, wallahi, ilah, ilah, ilah. Le policier là, vraiment, il est venu m'attraper. Il est venu m'attraper devant mes enfants. Allah, wallahi, Allah, il est là. Allah, Allah. Moi, je vais voir mon frère Marabout. Marabout Koulibaly, oui. Ah, Marabout Koulibaly. Moi, je veux que tu fasses du mal à l'homme là. Il m'a vraiment... Ah bon, oui. Et tous ces malheurs-là, Mandjango, c'est sur son dos. Il manquait de respect à son chef supérieur, le colonel... Le colonel Moussavou Mandjango, le colonel Moussavou Koumba, il manquait de respect à tous ces mecs-là. Donc, imaginez-vous, non seulement il trichait sa femme, il faisait toutes les conneries possibles. Depuis le lycée, il avait une vie désordonnée. Vous suivez le film de l'histoire pour vous répondre à votre question. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir recours au charlatan? Est-ce que c'est nécessaire de courir vite chez un magicien? Avant d'abord de comprendre certaines choses dans votre vie, avant de faire un esprit analytique, avant d'analyser votre vie d'abord. Donc, bref, Mandjango se retrouve dans cette merde à cause de deux choses. Première chose, il existe ce qu'on appelle la malédiction. La malédiction, c'est quoi? C'est vrai que ça nous fatigue. Regardez là, il y a les parents qui m'ont appelé à gauche, à droite, le peu d'économie que j'avais, il faut envoyer. C'est pas grave, faut donner. Mais eux, ils savent qu'ils ne peuvent pas me féticher avec mon argent parce que je vous avais déjà expliqué ça dans une vidéo que ceux qui rentrent à gauche, là, ça sort à droite. Mais ce sont les parents, ils sont en train de vous maudire avec votre propre argent. Mais pas pour moi. Donc, ces histoires-là, oui, ça agit aussi. Ils peuvent vous maudire. Donc, la malédiction ancestrale. Il y a ça qu'il faut voir. Avant d'aller voir un ganga, avant d'aller voir un magicien, avant de dire de quoi que ce soit, regardez ça dans votre vie. Faites ce qu'on appelle une rétrospective dans votre vie. L'examen de soi. Examinez-vous. Posez-vous la question. À l'âge de 12 ans, j'avais giflé ma mère. À l'âge de 15 ans, j'ai couché avec ma cousine. À l'âge de 18 ans, j'étais en classe de seconde. J'ai tapé le coup de poing à Madame Goubeidji, mon professeur d'anglais au lycée technique. À l'âge de 24 ans, j'étais à l'université. J'ai manqué du respect à M. Ropibia. À l'âge de 27 ans, lorsque j'ai eu mon master, j'ai dit un mot qu'il ne fallait pas dire. J'ai dit, voilà, moi, mon papa, il est ministre. Moi, je m'en fous, en tout cas. Faites cet examen de soi. Parce que tout acte, toute parole, tout geste, toute manipulation, toute intention, vous émettez à l'intérieur de vous-même va avoir un impact dans le monde de l'au-delà, va avoir un impact dans ce qu'on appelle dans votre corps karmique, parce que chacun de nous a un corps karmique. Le corps karmique, c'est quoi? Chacun de vous porte, chez les chrétiens ils appellent ça, chacun de nous a des anges gardiens. On en a deux. Il y a un qui est là pour enregistrer le bien pendant la journée, l'autre c'est la nuit. Il surveille des actions et tout. C'est comme ça. Teta Mwanga a créé ça comme ça. Ça, c'est la philosophie des Balam. Ils disent que nous avons normalement deux gardiens. Mais nous, les initiés, chez moi, là, j'en ai plein. Donc, ces mecs-là nous surveillent. Ce qui fait qu'ils enrichissent tout ce que vous faites. Ceux qui sont chrétiens, ils appellent ça le livre de vie. Dans le livre de vie, quand vous allez lire le livre de l'Apocalypse, là, on vous parle du livre de vie. Hein, après les 1000 ans. Et... Les 24 anciens, ça, c'est pas moi qui exagère, c'est qui dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre combien là, 19 et le chapitre 21. Mm-hmm. et les 24 anciens qui étaient assis du haut des trônes, à côté du roi des rois, commencèrent à demander qu'on ouvre les livres de vie. Et ce livre de vie qui avait tout le code de conduite de chaque individu de la planète. Ah! Mon nom, c'est Mabako. Ah! Et c'est ça que les chrétiens ont mal interprété en disant que chacun de nous va se présenter devant le jugement de Dieu. Mais le jugement de Dieu, c'est ça là. C'est le fameux grand livre vert. Pardon, pas le livre vert, pardonnez-moi. C'est le fameux grand livre de vie. Alors, mes frères, mes sœurs, Mandiango, il est là maintenant infirme. Ça, c'est une histoire vraie. Je ne suis en train de rien inventer. À la seule différence que j'ai gardé l'anonymat du monsieur. Parce que sa famille m'a appelé pour demander à faire des consultations sur ce mec-là. Il s'est fait ruiner. Il est allé sur tous les gangas, partout, jusqu'à aller au Bénin, dans l'avion. Entre-temps, je vous l'ai dit, la malédiction. Et deuxièmement, c'est le karma. Le karma, ça ne blague pas. Il n'est jamais trop tard pour vous, mes frères. Regardez-moi bien dans les yeux. C'est un maître initié qui vous parle. C'est un petit frère, c'est un grand frère, c'est un oncle, c'est un grand-père qui vous parle. Dans la vie, là. Faites très attention. Il y a des gens qui m'appellent. Ah, maître Mouéré, je suis venu ici en France. Je ne comprends pas. Tout est calboigné. J'ai tout essayé. J'ai eu mes diplômes. Là, c'est une maman qui parle comme ça. Oh, j'ai eu tous mes diplômes. J'ai saisi cela. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce qui m'arrive. Maman, tu oublies quand tu étais à Raponda, comme tu es métisse là. Les filles métisses là, vraiment. Oh. Qui va voir? Toi, tu es noir comme moi. Là, quelle fille métisse va t'accepter? Donc, les filles métisses là, toi, tu étais jeune à Raponda. Tu te rappelles, à peine l'âge de 13 ans maintenant, tu avais maintenant un copain, c'était le directeur de l'école. Ah, maman, ça ne s'arrête pas là. Tu es au lycée là-bas, Gunta, à Libreville, c'est maintenant un ministre. À l'université, n'en parlons plus. Tu sortais avec trois ministres. Il y avait un ministre qui te payait le loyer. L'autre ministre là, lui, il s'occupait, mais seulement comme il était encore jeune, lui, c'est au lit là-bas, il s'occupait bien de toi. Et le troisième, lui, il te donnait du cash à chaque fois que tu en avais besoin. Maman, tu as oublié tout ça? Et en dehors de ça, comme tu te dis, tu es trop belle comme la lune, tu manquais du respect maintenant hein, aux parents même. Oh, à moi, ami. Oh, à ma Maraya. Maman, laisse-moi tranquille, maman, amende. Regarde-moi sa tête là-bas. Et tu réponds comme ça à ta tante. Ta tante qui est initiée au Ndiambe. Hein? Tu réponds ça. Ton grand-père, Monsieur Makambo, vient te voir. Ma petite fille. Ah, papa Makambo, reste tranquille. Moi, quel est ton problème? Toi, tu es vieux, fatigué comme ça. Tu es jaloux parce que tu n'as plus de copine. Maintenant, moi, je fais ma vie. Toi, tu viens me dire quoi? Tout ça là, maman, tu as oublié. Et entre-temps, c'est ta maman qui t'a payé la bourse d'études pour aller en France. Tes ministres ne t'ont pas soutenu. Les ministres te donnaient de l'argent. Ils ont profité de toi. Je n'ai pas dit que tous les ministres sont mauvais. Oh. Il y a certains qui sont dans les loges, d'autres ne le sont pas. Et il y a d'autres qui sont dans les loges, mais pas forcément les loges pour faire du mal. Ça, c'est pour votre information. Parce que je vois, il y a certains qui me regardent là, ils regardent trop mes bagues, tout ça. Là. Non, mes bagues n'ont rien à voir avec la franc-maçonnerie. Ça, sont mes choses à moi, des différents milieux que je suis. Hein? Parce que souvent, il y a des gens qui viennent me lorgner. Bref, donc faites attention, maman. Tu as mené toute cette vie de désordre, maman Raya. Te voilà maintenant en France. Le premier mari avait le premier ballon. Le blanc là, pour vous avez fait seulement un enfant. À la fin, pour ça n'a plus marché. Ta vie maintenant décalboignée. Et tu as eu un bon boulot. Et qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Non, madame, vraiment, nous sommes désolés, on ne veut plus de vous ici. Tu te comportes même pire qu'une Française. Quand on te voit marcher dans les rues de Paris, mais mon Dieu, même le pauvre mur, même la pauvre route va se percer. Avec les belles voitures, tu narguais les gens. Tu te moquais. Tout ça là. Maintenant, aujourd'hui, tu es dans la merde totale. Et te voilà, tu prends le téléphone. Allô, maître Nouvier. Je dis oui. C'est moi. Moi qui encore. Oh, c'est moi, mademoiselle Agathe. Ah, Agathe, oui. Comment allez-vous? Ça ne va pas, monsieur. Ça ne va pas. Je ne sais pas par où il faut commencer. Oh, ça ne va pas. J'ai dit, oh, calmez-vous. Parce que là, il faut commencer par là où il faut commencer. Parce que si tu me dis maintenant tout là, hein, d'abord, je suis venu. Quand j'étais là-bas, mes parents, ça ne va pas. Mes parents sont mauvais. Ils m'ont maudit. Je dis cela. Maintenant, j'arrive ici. Le plan que j'avais, il m'a abandonné. Et mes enfants, je ne comprends plus. On a fait deux enfants. Le plus grand là, il passe tout son temps à fumer le chanvre. Et la deuxième, elle fait la prostitution. Je ne sais plus, oh papa, moi je vais mettre ma tête. Oh yo, oh, oh. Le travail là-bas, elle commence à m'enchaîner mille et un problèmes. Au point où je dis, maman Agathe, allô, allô. Oui, monsieur, on vient. Je dis, bon, maman, oh, ah, même si j'étais Dieu, même si j'étais Dieu, tout ce que tu viens de me dire là, ça, pardon, je suis dépassé. Et est-ce que tu peux me dire quel est le problème prioritaire? Ah, tu en bien. Je ne sais plus quelle est la priorité. Parce que même dans l'appartement où j'étais, on m'a mis dehors. Le voisin, la voisine, elle ne m'entend plus. Les chiens aboient sur moi. Même les rats me poursuivent. Madame Agaya, Madame Agathe. Oui, monsieur Nouvien. Bon, s'il vous plaît, je peux vous rappeler plus tard. Oh, pardon, yo, mais tu ne viens pas, t'es pas. Oh, non, non, non, non, non, non, je ne vous abandonne pas. J'ai beaucoup, beaucoup. Je vais bien réfléchir sur votre cas. Rassurez-vous, vous avez mon numéro. Je vais vous appeler. Soyez un peu à ma place. Comment pouvez-vous résoudre un problème pareil? Et c'est ça que Dieu, tous les jours, en train de dealer. Vous venez chez Dieu, vous avez fait vos bêtises, vous avez fait vos conneries de votre vie. Vous n'avez pas mis de l'ordre. Il n'est jamais trop tard de se rattraper, mes frères et sœurs. Donc vous comprenez maintenant le sens du message de ce soir. Avant d'aller avoir recours en magie là, il faut d'abord faire ta propre magie à toi. Ce que j'ai appelé la rétrospective de soi. Donc vous vous réexaminez d'abord. Vous faites ce qu'on appelle l'examen de soi. Et une fois que vous avez fait cet examen de soi, vous avez deux choix à faire. Et je vous ai toujours proposé, je ne vais pas le répéter tous les jours. Le premier choix que vous avez à faire, c'était le choix le plus difficile, souvenez-vous. Je vous avais dit ça. Ceux qui sont nouveaux, ils ne savent pas. Mais ceux qui sont avec moi longtemps, ils le savent. Vous allez noter. En 1974, j'étais turbulent. Là, je reviens sur l'affaire de Mandjango, là. Mandjango. En 1974, je me rappelle que... vraiment. J'avais volé le vin de palme du vieux... Mabiti. Le vieux papa Mabiti. Le vieux papa Mabiti avait son vin. Je note le nom. Mabiti. Est-ce qu'il vit encore même? Je vais noter. Au lycée technique, on avait mis madame. Elle est devenue ministre. Madame Nsam. On l'avait mis au Yobo. Et c'est même moi qui avais demandé. Bon, madame Nsam. Est-ce qu'elle vit encore? Je vais noter. Donc, vous prenez le soin de noter tous les noms de tous ces mecs-là. Si vous êtes en France, vous êtes ici. Vous vous renseignez. Je l'ai fait. Je ne vous cache pas. Je l'ai fait. Quand j'ai eu mon bâton de pèlerinage de la grande initiation. Je l'ai fait. J'ai fait ça. Donc j'ai appelé les gens à qui j'ai fait du tort. Et j'ai même donné le même enseignement pour les pasteurs. Vous ne pouvez pas un bon matin dire que non, moi je suis maintenant pasteur. Moi c'est fini. Jésus, j'ai accepté. Jésus m'a délivré. Oh, le sang a coulé. C'est faux. Sinon, Jésus serait menteur quand il a dit quelque part dans Matthieu chapitre 6. Rappelez-vous les enseignements sur le mont des Oliviers. Il a dit que vous ne pouvez pas aller offrir des offrandes à Dieu. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas porter cette soutane-là ou prendre cette responsabilité de diacre ou pasteur si vous n'avez pas d'abord demandé pardon à votre frère. La parole dit ceci exactement. Vous ne pouvez pas offrir des offrandes à l'Éternel notre Dieu si vous n'avez pas d'abord fait la paix avec votre frère. Donc, faire la paix avec son frère, c'est ça. Vous notez les noms et vous demandez pardon. Qu'il accepte ou qu'il refuse ou l'essentiel que vous ayez émis, l'intention et le geste. Retenez bien ces deux mots-là. Ça reste valable dans la pratique ancestrale. L'intention et le geste. C'est ça qui compte. Ce n'est pas d'abord aller voir un ganga ou vous précipiter à prendre le téléphone pour m'appeler. Oh, écoutez, moi, je ne suis pas un Macron. Hein. Mais moi, je vous dis, quand je discutais, comme je l'ai dit sur Facebook, la plupart de ces charlatans, mais ils sont contents. Ils me disent, non, mais monsieur, on oublie vraiment. Bon, c'est parce qu'on vous aime, mais vous êtes trop gentil. Mais normalement, si vous n'étiez pas comme ça, on devait vous faire du mal. Comment vous allez casser notre business? Les gens, là, ils aiment ça. L'homme africain, il est comme ça. Il aime toujours venir vers nous. Donc laisse-les, on va les escroquer. Voyez-vous? Alors que si vous appliquez ces règles de base, vous demandez le pardon, la confession de soi, vous appelez, si possible, vous voyagez. Si ces personnes ne vivent plus, j'ai expliqué la technique qu'il faut faire à travers le rite ancestral. Ça, c'est d'une manière générale. Mais la véritable leçon, le véritable pouvoir que vous avez, c'est le rite des ancêtres. Vous faites votre rite des ancêtres. Malheureusement, on n'a pas trop le temps, mais je vous dis que si je vous fais écouter les témoignages de certaines de nos mamans sur les rites des ancêtres, là, mais je vais vous dire que c'est fort, hein. Les gens négligent ce rite du vin, là. Je vous ai parlé du rite des vins. Vous avez négligé. Vous avez vu? Ça marche très bien. Donc, disais-je, c'est ça. La première étape, c'est de demander pardon. Pour pouvoir épurer votre karma, il n'est jamais trop tard. Ensuite, vous voulez du travail. Vous avez le diplôme? Oui. Avez-vous fait votre résumé? Oui. Bien. Vous avez fait le résumé. Vous avez déjà fait l'étape de demande de pardon. Vous avez épuré votre aura. Si possible, vous me voyez, ou bien on va voir, vous partez voir un parent là-bas, au village, qui va vous aider à faire le rite des ancêtres. Et après avoir fait ce rite des ancêtres-là, vous vous purifiez également. Vous vous purifiez, et voilà, vous l'avez fait. Votre diplôme, vos papiers, vous envoyez. Je prendrai le cas de Mandiango. Le cas le plus extrême, c'est Mandiango, l'ancien flic là, qui bastonnait les gens n'importe comment. Lui, il a été victime de beaucoup de choses. Hein. Non seulement la malédiction de l'oncle, qui n'envoyait même pas un savon là-bas, qui est resté asilé, mais les Nigérians. Ah oui, et les Ghanéens là. Les Maliens qui l'a bastonné n'importe comment, cassé son magasin. Ces mecs qui ont prié leur génie, qui sont allés voir les marabouts. Voyez-vous? Comment il va réparer tout cela? Là, c'est des cas extrêmes. C'est des cas extrêmes. Mais toujours est-il que, M. Mandiango, vous devez toujours faire ce que j'ai proposé. Demander pardon, appeler tous les gens que vous avez offensés, les nanas que tu as fait au Yobo, les ceci, cela, la tante que tu as giflée, ta femme avec qui tu as triché, tu faisais le désordre avec les femmes à gauche, à droite, les voyages nocturnes bizarres, et ceci, cela. Les problèmes de colère, tu grondes les parents n'importe comment, tu terrorises les gens parce que tu as les galons, parce que tu es peut-être un grand quelqu'un ou quoi, je ne sais pas. Parce que tu étais déjà colonel et tu commençais maintenant à engueuler les subalternes n'importe comment. Mais le gars qui est un petit sergent, que toi tu engueules là, toi tu ne sais pas s'il est initié dans les histoires de chez nous, les Njobi, que moi je connais. Le sergent que toi tu engueules là, peut-être qu'il est venu faire le rite du vin. Ah oui, parce qu'il a fait le rite du vin. Maître Mouéré, Maître Mouéré, Mandiango, notre colonel, là, m'emmerde beaucoup. Montre-moi une technique là, des rites. Bon, fais-moi le rite du vin. Je fais comment avec le rite du vin? Bon, après les 3 jours, tu vas faire ceci, cela, tu remplis. Et quand tu remplis ton vin là, pendant que tu parles de l'huître du vin, le premier jour, tu cherches d'abord à te concilier avec les ancêtres. Et ensuite, la deuxième semaine, maintenant, quand tu feras les autres 3 jours, tu dois mettre le nom de Mandiango, le colonel de Mandiango. Oui, oui, oui. Et il va être terrorisé. Il va vraiment souffrir pour le reste de sa vie. Ou bien tu vas me faire la technique de la poupée de la Macumba. Hein? Tu t'en souviens? Ah oui, oui, oui, oui, oui, mais maître Nouvier, vous nous avez parlé de ça, hein, la poupée de la Macumba, là. C'est-à-dire que je vais aller casser le pied de la poupée. Et puis voilà, il va être cloué sur une chaise roulante, hein, c'est ça? Voilà, vous avez tout compris. Merci beaucoup, monsieur Nouvier. Toi, tu es colonel, Mandiango. Mais voilà le sergent, là. Il m'appelle. Et je lui donne la technique de la Macumba. Tu es au bureau. Patricia! Oui, patron! Viens ici, là! Bon, écoute. Je vais pouvoir me déplacer, là. Ok? J'ai une réunion importante avec les chefs. Donc, tu t'occupes du dossier. Oh, patron, mais il y a trop... Il y a trop quoi? Oh, mais depuis 2 semaines, là, vous avez laissé plein de documents. Laissez-moi ça! À tout à l'heure! Entre-temps, Mandiango, là, il va boire le Musungu et il a un rendez-vous avec la pauvre femme mariée. Ils vont prendre un petit motel là, dans la zone de la montagne sainte. Voilà, il va, Mandiango s'en va. Mais au moment où il se lève, il ne sait pas que le sergent Dibaka m'a déjà contacté pour son rite. Dès que Le colonel va se lever. Oh, Agnambia. Merde. Oh, Patricia. Oui, patron. Qu'est-ce qu'il y a, patron? Ça ne va pas. Je ne peux plus me lever, là. Ah, ça a commencé comment? Vous voilà maintenant paralysé. On vous mène sur une chaise roulante. Ça paraît comme un film de fiction, n'est-ce pas? Ça revient sur ce que j'ai dit au début. Faites attention. Donc, pour conclure sur cette thématique, je sais que vous avez des questions à la fin. Retenez bien que la question a été la suivante. Quand doit-on avoir recours à la magie? Ce n'est pas mauvais, la magie. Je vous ai dit, la magie, c'est la science des sciences. La magie, c'est la maîtrise des connaissances mystiques. C'est-à-dire, vous rentrez à l'école d'apprentissage comme votre humble serviteur. On m'a appris beaucoup de choses. Je connais toutes ces technicités-là, toute la haute technologie mystique. Je sais comment maîtriser la plante de la brousse. Je sais ceci, cela. Il y a certaines plantes, quand vous les mélangez, ou bien quand vous parlez à certaines fleurs, les fleurs-là vont vous donner vos désirs. Parce que tout ce qui est dans l'univers est sous le contrôle des esprits. OK? Ça, c'est très important. Donc, avant d'avoir recours auprès du magicien, vous prenez soin de faire les deux étapes-là. L'examen de soi, demander pardon. Si possible, initiez-vous-même. Voilà. Initiez-vous, mon frère, ma soeur, va manger ton bois sacré. Ou bien, si ce n'est pas le bois sacré, va dans le djembe, va quelque part, va te faire initier. Hmm? Même chez les Blancs, il y a les initiations. Une fois que tu te fais initier, c'est ainsi qu'au cours de cette initiation, tu verras le film de ta vie. Mm-hmm. Tu verras le film de ta vie. Ah oui, clairement. Hein? Voilà pourquoi la question fondamentale, quand vous allez voir un véritable maître initiateur, un ganga, il va poser la question, toi, tu viens t'initier, c'est quoi? Quel est ton problème? Tu veux t'initier pourquoi? Oh, moi, je viens m'initier là, moi, j'en ai marre. Mm-hmm. J'en ai marre d'Ali Bongo. Ou bien j'en ai marre de Mabako. Moi, j'aimerais... Oh, toi, tu viens t'initier là pour faire d'Ali Bongo, bien de Mabako. Non, pardon, toi, tu as frappé à la mauvaise porte. Ce n'est pas ça, l'initiation. L'initiation, on ne vient pas avec l'esprit de vengeance. L'initiation, on ne vient pas dans l'intention de faire du mal à quelqu'un d'autre. L'initiation, on ne vient pas pour des besoins égoïstes. Vous retenez cela? L'initiation, c'est chercher à vous reconnecter avec votre histoire, à connaître vos origines, connaître là où vous venez. Et peut-être au cours de votre parcours de là où vous venez, vous allez découvrir en fait pourquoi c'est à cette période où j'ai tous ces problèmes. Ça peut être des problèmes. Comment il s'appelle? Mandjango, lui, ses problèmes, il les a vécus maintenant là, en l'espace de 20 ans, 25 ans. Hein? Parce que le karma, c'est aussi ça. Vous pouvez payer le karma à l'immédiatement pendant que vous vivez. Ce n'est pas un fameux Jésus avec un bâton de commandement ou bien Dieu. Vous allez le mettre là, il va vous dire, toi, va en enfer, toi, va au ciel. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Ton enfer et ton ciel, c'est pendant que tu es encore sur terre. Il faut payer cela. Vous comprenez? Ça peut être aussi le résultat de votre vie passée. Ah oui, oui, oui, oui, oui, ça c'est un détail très important. Votre vie passée, la vie que vous avez menée il y a de cela 200 ans dans une incarnation passée, elle peut vous poursuivre dans l'incarnation présente parce que les dieux vont vous dire attention, monsieur Mandjango, vous avez mené une vie bizarre. Oh là là, vous aviez le pouvoir, vous étiez même président de la République, chef de l'État. Mais qu'avez-vous fait du pouvoir que le peuple vous a donné? Vous avez terrorisé les populations. Vous avez tué les gens. Maintenant, vous venez ici. Nous, on ne va pas vous envoyer en enfer. On va vous envoyer au sein de cette famille. La famille appelée Nkende Imbwa. On va vous envoyer dans la famille d'appeler Nkende Imbwa parce que la famille Nkende Imbwa, c'est des pauvres. Ils sont très, très pauvres. Vous allez donc apprendre la souffrance. Donc, on va vous envoyer dans une incarnation passagère et de punition. On va vous envoyer chez la famille Nkende Imbwa. Donc, chez la famille Nkende Imbwa, c'est une famille pauvre. Ils vivent de l'agriculture. La femme, vraiment, c'est compliqué. Elle fait sa prostitution. Le garo, yo, c'est une vie compliquée. Et toi, tu vas naître maintenant là-bas. Tu es maintenant là. Ah, mon Dieu. Et je vous informe que les véritables initiés sont conscients. Ah oui, oui, ils vont se rappeler. Ah, oh, mon Dieu, moi. Vraiment, moi, j'étais président de 1893 à 1899. Ah, ça, c'est quelle vie, mon Dieu. Mais tu es en train de payer ton karma. Donc, ça, c'est une forme de karma que vous ne maîtrisez pas. Je ne veux pas trop développer ça. Mais le karma que vous pouvez maîtriser, c'est sur votre vie présente. Vous avez compris, hein? Voilà. Donc, vous faites ces choses-là. Examen de soi. Initiez-vous. Après l'initiation, vous pouvez également faire ce qu'on appelle l'audit des ancêtres. Ceux qui sont chrétiens là, n'ayez pas peur. Allez-y lire Matthieu chapitre 17. Jésus lui-même, il a fait l'audit des ancêtres. Oui, oui, oui, Jésus a fait ça. Allez-y lire Matthieu chapitre 17. Vous qui êtes chrétiens, vous verrez, Jésus a fait l'audit des ancêtres. Ok? L'audit des ancêtres ne veut pas dire prier les ancêtres. Non, non, non, c'est communier avec eux. Les juifs le font jusqu'aujourd'hui. Nos frères musulmans le font jusqu'aujourd'hui. Eux, sauf que nous, à cause de la religion des balans là, des programmations bizarres qui nous ont été imposées, voilà, on est des carboignés. Donc, vous me faites ces trois choses-là. La rétrospective. La rémission de son karma. Et ensuite, l'initiation. Ok? Et suivre également les lois de la vie. Vous vous êtes initié, vous avez demandé le pardon, vous avez tout fait. Maintenant, vous dites, bon, j'ai fait mes études, j'ai mon diplôme qui est là, je crois que maintenant j'ai le destin de ma vie entre mes mains. Alors, vous rédigez votre résumé, si vous avez fait l'école, même si vous n'avez pas fait l'école. Il y a des gens qui n'ont pas fait l'école. Mais dès lors que vous êtes initié, vous êtes maintenant en communion avec vos ancêtres, vous êtes maintenant en communion avec les génies là. Oh, Teta Mwanga, les routes vous sont ouvertes. Vous n'avez pas remarqué, même là, chez moi au Gabon, moi je connais des gens qui n'ont même pas, qui n'ont qu'un niveau CMD. Mais c'est des gardes puissants. C'est des gardes puissants au palais, hein, au palais de la République ou bien dans les ministères. C'est des gardes qui ne sont jamais accablés. Demandez-vous pourquoi. Vous allez me dire quoi? C'est un fétiche. Mais le gars est initié dans l'Onjobi. Est-ce que l'Onjobi c'est un fétiche? Oui, probablement. Mais ça fait partie de notre culture. Donc, ils connaissent des secrets. Le rite du vin. Hein? Le rite du vin, là, que vous vous négligez. Il y a une vidéo qui est là, intitulée Les rites de chez nous, le peuple Luango. Veuillez me suivre ça. C'est là-dedans où je parle du rite de vin. Ça dure seulement 3 jours. Vous faites d'abord un jeûne d'une semaine. Après, vous commencez. Vous allez voir. Dès le 8e jour, vous commencez votre rite. Mais rassurez-vous que c'est le jour de repos. Parce que les gens ne font que me poser trop de questions sur cette affaire-là. Je vous dis, c'est un rite très efficace. Je n'ai pas le temps de vous faire écouter votre maman quand elle est venue témoigner. Elle a fait ça, finalement, parlant du karma. Elle s'était tellement endettée au pays là-bas. Mais la sœur qui lui faisait du mal, elle, elle est là-bas au pays, au Cameroun. Il s'agit d'une sœur du Cameroun. Elle se reconnaît, sûrement elle est en train de nous suivre. Alors elle m'a posé la question ce matin. Pas posé la question, dit maître, vraiment, je sais que vous êtes trop embêté. Je ne viens pas vous poser des questions, mais moi c'est le rite pour venir vous dire vraiment merci. Vous avez sauvé ma vie. Parce que ce rite-là m'a permis de finalement faire quelque chose. Donc les ancêtres sont allés engueuler sa sœur, avec qui elle ne parlait même plus depuis combien d'années. Et voilà la sœur qui appelle les gens. En France, dans tous les pays du monde. Où est-elle? Elle nous emmène, ma mère de cette fille-là, ma mère, moi je vais lui parler. Elle a meurtri comment? Elle a seulement fait le rite du vin. Donc, en faisant le rite du vin, les ancêtres se sont donc manifestés parce qu'elle a parlé en faisant son rite. Elle a dit non. Ma grande sœur là, ma merde. Ma sœur là, ma merde. Donc, les génies ont agi. Donc, attention. Ça, c'est déjà une chose que vous pouvez vous. Et vous faites la même chose pour le travail. Une fois que vous avez suivi les 3 étapes, s'il vous plaît. Maintenant, vous faites votre rite du vin. Vous faites ça. Vous n'aimez pas le rite de l'urine. Ça aussi, ça marche très bien. Mais vous avez trop peur de l'urine, oh, parce que vous avez les histoires des blancs. Vous vivez au pays des blancs là-bas. Donc pour vous, l'urine. Bon. Mais le vin, au moins, tout le monde boit le vin. Même si vous ne buvez pas le vin, vous pouvez le mettre sur votre corps. Parce que ça représente le sang. C'est ce que les chrétiens disent, non? Le vin de Jésus, le vin de ceci. Le sang de Jésus. Donc, ce n'est pas le sang de Jésus, ça, ces rites-là existent depuis plus de 30 000 ans. Ça existait avant que l'Église n'existe. Ce sont des rites laissés par notre grand-père, l'arrière-grand-père Nakoko. Et je vous avais promis que j'ai près de 1000 rites. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler de ces rites-là. Mais le prochain enseignement, ce sera que sur ça. Mais les maîtres m'ont dit que non, non, non, non, non. Il y a des rites qu'il ne faut pas venir dire en live comme ça-là. Parce que c'est des rites trop dangereux. Même le vieux Nakoko, hein, il risque de se fâcher et venir te gifler. Donc, il faut choisir les plus simples. Le rite du vin, c'est un rite simple. Maintenant, prochainement, je vais vous montrer l'association. Vous pouvez associer le rite du vin et le rite de la convocation de vos ancêtres pour qu'ils soient désormais dans votre maison pour l'éternité. En d'autres termes, ils vont être comme des anges gardiens pour vous, 24 sur 24. Ça va être régimbé, le soldat qui va vouloir soulever l'arbre. Toi, tu es déjà vu d'avance. Vous comprenez? Ça, c'est le grand mystère de la vie. Bon, est-ce que jusqu'ici, on se comprend? Le recours à la magie, que vous voulez aller voir le marabout, Kanga, n'importe qui, ça c'est des derniers recours. C'est lorsque vous aurez, comment dirais-je, essayé toutes les autres manœuvres, ce qui m'étonnerait, Parce que si vous faites réellement toutes ces trois étapes que je vous ai dit, ça m'étonnerait que ça ne marche pas. Ça veut dire que vous êtes vraiment l'homme le plus maudit ou la femme la plus maudite du monde. Et ça veut dire que vous cachez des choses, c'est-à-dire que votre confession n'est pas honnête. Mais si vous suivez toutes ces étapes-là, logiquement, la situation devait être décantée. Ok? Maintenant, si ça se ne décante pas, là, on arrive au pire des cas. Le pire des cas, c'est que quand ça ne se décante pas, c'est en ce moment, vous allez maintenant aller voir un marabout. En ce moment, vous allez m'appeler. Maman Agathe, tu as compris, hein? Toi qui m'as appelé avec mille et un problème, que toi, tu es poursuivi même par les chats noirs et ceci, ça. Le dernier recours, avant de venir me voir, avant d'aller au magicien, avant de chercher d'aller regarder le catalogue du professeur Brahma Bodadi Dharman, ou bien avant d'appeler le professeur Inkachu Kiyasa, Inkachu Kiyasa qui est, je crois, au sud du Japon, qui vous donne des grosses médailles dangereuses, trop puissantes. Si tu ne maîtrises pas ça, tu peux même mourir, les esprits vont te frapper. Avant d'aller voir ce genre de mecs-là, ou bien mes amis du Pakistan, là, les grands professeurs de sciences occultes qui vous enverront un tapis volant, toutes ces histoires-là, avant d'en arriver là-bas, s'il vous plaît, suivez-moi d'abord ces étapes. J'espère que vous avez eu la réponse à la question du jour. Quand doit-on avoir recours à la magie? À la condition de remplir d'abord toutes ces conditions. Et c'est lorsque toutes ces conditions ont échoué, vous pouvez maintenant avoir recours. Évitez qu'on soit... Parce que même les Blancs se moquent de nous. Hein? Moindre chose! Il me faut une amulette autour de... Bismillah, il me faut quelque chose ici. Il me faut quelque chose là. Les Blancs se moquent de nous. Vous ne pouvez pas fonctionner sans ces histoires-là. On peut fonctionner sans la magie à une condition que nous nous connaissions nous-mêmes. Il faut rentrer à l'école de la connaissance de soi. Connais-toi toi-même, alors tu connaîtras les dieux. Alors les dieux te reconnaîtront et vous serez en symbiose et en harmonie parfaite. Parce que vous-même, moi qui vous parle, nous tous, nous sommes des microcosmes. Nous sommes le microcosme et Teta Mungadi Banga Banga dans sa préscience et son omniscience. Lui, le macrocosme. Donc nous sommes le microcosme dans le macrocosme. Nous sommes le 1 dans le 0, c'est-à-dire 10. Voilà comment l'univers fonctionne. Ok? Vous êtes la véritable magie de Dieu. Vous êtes le pouvoir de Dieu. Donc, j'en ai terminé ce soir. Pardonnez-moi du retard une fois de plus. Je vais clôturer ce live. Mais si vous avez des questions, je reste à votre portée, s'il vous plaît. Je suis à vos services. Je suis à vos services. Je suis à votre service pour me poser les questions. Pendant ce temps, on réécoute notre belle mélodie. Battery 82%. BlackBerry BB1005 connected. Sigue tanga, sigue agenda buena tenga, oh, sigue tanga. Na rapinzi ndete tabi nyumba olipidi yalo ngongima ndo bono komisi ngongima ki bien je vais répondre à vos questions. Je vais donner encore la chance à ceux qui veulent poser la dernière question. J'en ai déjà enregistré 8. Ah, apparemment, donc, les gens ne posent plus de questions, là. Bien. Alors, je vais répondre à la question. D'accord, je vais répondre donc à vos questions. Pardonnez-moi. Première question. Comment balayer et nettoyer votre esprit ou votre corps par la technique de la respiration? Oui, il y a un rite que je démontre, hein, justement, et j'ai démontré cela même au cours du séminaire. C'est une technique, par exemple, si vous avez travaillé pendant 24 heures sans repos et tout, vous ne savez plus ce qu'il faut faire, non, en 10 minutes, c'est une technique de respiration. Hein. Je ne vais pas le démontrer ici au public, mais nous pouvons éventuellement le faire. Je vais démontrer ça au Solo Babab, je ferai un audio. Je vais vous expliquer très bien la technicité de cela, ok? Parce que ici, je ne sais pas qui est en train de nous suivre. Il y a beaucoup de nouveaux qui ne sont pas abonnés. Je ne veux pas partager ce genre de richesse ici au public. Et également, au cours des séminaires, je peux revenir dessus. Maintenant, le rite du vin. Vous avez parlé de votre mari qui est blanc. Oh, merci beaucoup. Et effectivement, nous avons beaucoup de nos frères blancs qui ont tenté. Et j'ai un ami, on est devenu ami à cause de cette affaire de spiritualité. Il est en Espagne. mais il était en voyage en France, je l'ai rencontré. Donc le rite, s'il a des problèmes à dormir sur le sol dur, le pauvre, bon, vous savez, le blanc, il n'a pas le même corps que le noir. Ce n'est pas une manière de dire qu'on est supérieur, mais je veux dire, l'homme noir, nous, on est habitué à dormir au sol. C'est compliqué pour lui. Alors, ce que je veux vous suggérer de faire, demandez-lui de prendre un tapis épais, ok, ou même une couverture, ok. Les questions là, c'est aussi simple. Comment vous voulez savoir si la femme là, elle est faite pour vous, l'homme pour vous? Mais moi, j'ai proposé justement, il y a une étude que je propose aux gens. Il y a une étude que je fais. Ça s'appelle l'étude de correspondance, ok. Ça, je peux le faire gratuitement. Ça existe. Oui, vous pouvez le savoir si c'est la bonne épouse ou le mauvais mari. Il n'y a pas de magie pour ça. Les blancs le font. Vous pouvez me contacter sur le Baba. Je vais vous poser là. Je vais vous donner clairement la réponse à cela pour profiter à tous ceux qui sont sur le Baba pour avoir la bonne réponse. Comment avoir la femme qui est bonne pour vous, le mari qui est bon pour vous. Il y a des secrets que nous, les initiés, on utilise. Okay? Le rite, donc, de votre. Je dirais que la question que la maman a posée sur son mari qui est blanc, il a tenté le rite, mais c'était trop dur. Donc, je disais, mettez une couverture ou bien un tapis épais. Il n'y a pas de problème. Qu'il dorme sur le dos. Au contraire, ça serait le bien. Moi, je ne sais pas sur quel côté. Qu'il ne dorme pas sur le côté droit ou. S'il veut dormir sur le côté, ce sera le côté gauche. Ou de préférence, qu'il dorme carrément droit sur sur le dos. C'est la technique très efficace, qu'il dorme sur le dos, s'il vous plaît. Mais il faut pas. C'est pénible pour tout le monde. Imaginez-vous, même un noir et blanc. J'ai même des frères noirs qui m'ont dit, oh papa, c'est trop compliqué. Donc, il n'y a pas que le blanc seulement. Mais j'avoue que notre frère blanc, il n'est pas le seul. J'ai des amis blancs également ici aux États-Unis qui se sont plaints de la même situation. Alors moi, ce que je leur ai proposé, c'est de prendre un tapis un peu plus épais. Ça va aller, ça peut arranger l'affaire. L'essentiel est que vous ne dormiez pas sur un lit ou sur le lit, vous couchez avec la personne. Et rassurez-vous que vous ne faites pas l'amour pendant ces moments de rite, pendant toute la semaine que vous ferez ce rite-là. Okay? Pendant toute la semaine que vous faites votre jeûne, et ensuite pendant les 3 jours, donc toute une série de 10 jours, vous ne devez pas faire l'amour. Troisième question. Le rite de vin, à la question qui m'a été posée, je peux vous expliquer que, oui, quelqu'un a posé la question, peut-on... Bien, les rites du vin se font pendant, il faut d'abord faire les 7 jours de jeûne. Et c'est le 8e jour du jeûne, disons, 7 jours de jeûne. Donc c'est le 8e jour qui devient le premier jour de votre rite du vin. Donc c'est le 8e jour maintenant que vous commencez votre rite du vin. Et quand vous faites votre rite du vin pendant les 3 jours, après ces 3 jours, vous prendrez une pause d'une semaine, voire 2 semaines, pour permettre votre corps de récupérer un peu parce que vous avez quand même jeûné. Donc, vous perdez du poids, vous perdez des forces. Okay? Maintenant, si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui sont mariés, là, c'est compliqué parce que le mari va commencer à dire, oh, toi, avec ton affaire, là. Hein. Sauf si votre épouse et dans le couple, vous vous entendez pour faire le rite ensemble, là, c'est une bonne chose. Vous pouvez vous priver même du sexe pendant un mois, ça ne tue pas. Hein? Il y a des gens qui font des années, ils ne font pas l'amour. Donc, rassurez-vous que pour reprendre le cycle du rite, vous pouvez attendre 2 semaines plus tard. Donc, la 2e semaine, vous pouvez tenter l'opération. Si vous êtes célibataire, tentez à la 2e semaine. Mais si vous êtes marié, il faut tenter à la 3e semaine. 4e question. Pour ce qui est du vin, peut-on amener des bidons de vin? Ça ne dérange pas si c'est un bidon de 5 litres. Bon. Il y a ceux qui font le minimum qui vous est recommandé, c'est 1 litre de vin. Okay? Maintenant, si vous achetez un bidon de 5 litres, c'est bon. Vous n'aurez plus donc besoin d'avoir 1 000 et 1 bouteilles. Vous pouvez payer tout un bidon. Il y a même des dames et jeunes de 10 litres. Moi, je m'en souviens, à l'Ambaréné, à l'époque, nous avions ça au Gabon. Ceux qui sont au Gabon peuvent me témoigner. Il existe des bonbonnes de 10 litres, voire 25 litres de vin, qu'on utilisait même pour faire le malamba, donc le vin de palme au village. Okay? Ces bonbons existent. Oui, vous pouvez les avoir. Sauf que c'est cassable, il faut faire très attention. En ce moment, vous pouvez donc prendre la quantité qu'il vous faut dans votre petite cuvette ou votre petit seau blanc ou n'importe quel seau que vous allez remplir, parler sur ce vin-là. Mais ne parlez pas sur la dame Jeanne de vin hein, ou le bidon de vin. Il ne faut pas parler, il ne faut pas magnétiser le bidon de vin. Vous magnétisez et invoquez tous vos vœux et gestes et les ancêtres sur le vin qui est posé dans dans la cuvette ou bien, je ne sais pas, le seau que vous allez utiliser pour votre rite. C'est là qu'il faut faire le travail, mais pas dans le bidon. ou bien dans la bouteille. J'espère que ça, ce détail, vous devez le retenir. Le rite de la question qui est posée des deux rites, le rite du vin et de l'eau, est-ce qu'il y a un qui est plus puissant? Oui, c'est le rite du vin qui est le plus puissant. Ok? Le rite de l'eau est un rite individuel. Hein? Le rite de l'eau est personnel. Ok? Il est personnel entre nous et le cosmos. C'est un rite, je vous ai expliqué pour ceux qui sont nouveaux, ça s'appelle le rite de remplissage de l'énergie de l'eau. Quand vous prenez votre douche, vous parlez. Vous faites des mouvements respiratoires pendant 3 fois. Je suis la lumière des maths dans toutes les cellules et les organes de mon corps, après avoir dit cela. Et vous laissez l'eau couler tiède si vous êtes trop sensible au froid. Mais vous laissez couler l'eau froide sur votre corps et vous commencez à parler. Bon, je peux répéter ça. La vidéo, elle est disponible ici sur Tatan Zabel Autopuissant. Parce qu'il y a un gros récital que vous devez dire mentalement ce que vous avez à dire. Hein. Il faut faire un voyage dans l'espace, le temps, les bateaux qui transportent le machin, le vin, le pétrole, ça passe par l'eau, les capacités de l'eau, Jésus, les grands prophètes, tous ces mecs-là, et même Mahomet, ils ont été baptisés dans les eaux, et patatata. Donc, vous rappelez toutes les vertus de l'eau, et pendant que vous recevez cette eau en vous, vous dites, il y a des phrases qu'il faut dire. Donc, le rite de l'eau n'a rien à voir avec le rite du vin. Le rite de l'eau, il est individuel, ok? C'est entre vous et le cosmos, c'est entre vous et tout l'univers. Mais par contre, le rite du vin, ça c'est un business, un contrat que vous signez directement avec vos ancêtres, direct, des lignées, de votre, que ce soit du côté de la, père, de la mère ou du père. Donc, il y a une différence ici. Et ce rite de vin, naturellement, je vous ferai le prochain rite où vous allez mélanger le rite du vin et le rite de convocation de tous vos ancêtres s'asseoir sur la table des 5 chaises, rappelez-vous. Avec les noms dans l'ordre, c'est-à-dire du plus puissant des ancêtres au plus faible. Maintenant, le rite des poupées, oui, il faut 7 jours. Vous devez respecter cette consigne, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai été initié dans la Macumba, c'est comme ça, il me l'a dit. Okay? Oui, oui, la réponse est oui. Vous devez vous abstenir de la sexualité. Pas question d'avoir du sexe pendant que vous faites votre... comment on appelle ça? Votre jeûne, le jeûne végétarien, vous ne devez pas. Il faut penser d'abord à l'esprit, laisser les histoires des sexes. Même si vous êtes addicté au sexe, pardon, attachez une corde. Hein? Et l'autre question, quels sont les rites que vous pouvez faire à midi? Attention, il y en a, ça dépend de la technique ou de la pratique que vous faites. Hein? Moi, dans la pratique de la méditation, je vous avais dit que midi 00 jusqu'à X heure, ça fait partie des heures auxquelles vous devez méditer. Et quand dans la Rose-Croix, nous avons le chiffre 7777. C'est une fraternité. Je ne peux pas vous développer. Ceux qui sont maçons peuvent, ceux qui sont rosicruciens peuvent se reconnaître, puisque j'ai été élevé au grade de maître dans la Rose-Croix. Et dans la Rose-Croix, il y a une fraternité qui, à partir de midi 0000, vous êtes en communion avec eux. Donc, il y a certains rites qu'il faut faire. Donc, là, moi, je ne sais pas. Ça dépend du rite. OK Il n'y a pas dans la pratique du vin où on vous demande de faire ça à midi. Parce que le même midi peut être minuit ailleurs. Vous comprenez? Quand il est midi aux États-Unis, il est minuit en Chine. Donc, ça dépend de la pratique que vous faites. Oh tiens, ça a été rapide. Hein? Voilà, j'ai clos toutes les questions. Pendant le rite du vin, la nuit, on dort au lit. Oh, qui vous a dit ça, s'il vous plaît? Qui vous a dit ça? Vous n'étiez pas à l'enseignement, il faut suivre la vidéo. Ok? On explique. Quand vous faites le rite du vin, on ne dort pas sur le lit. Quelle est la question là encore, vous aussi? On parle de quel vin? On parle du vin. On n'a pas dit le vin sans les vins. Hein? On n'a pas dit le vin qui n'est pas alcoolisé. On a dit le pur vin. Est-ce que vos parents, vos arrière-parents, ils buvaient le vin qui est comme ça, sans machin? Bon parent. Hein? Non? La réponse est oui. Il faut forcément... Il faut forcément du vin alcoolique. Ah, toi, tu es dans un pays arabe. Oh. Ok. Bon, moi, je ne sais pas. Hein. Si tu es au pays des Arabes, là, il faut tenter. Les ancêtres vont comprendre. Parce que les rites aussi s'adaptent en fonction des réalités. Mais le vin alcoolisé est une préférence. Parce que c'est ça que les ancêtres prennent. Ça, quoi? Balayer la maison, nettoyer la maison. Ça, c'est de la superstition. Ça, c'est les histoires qu'on dit au village. Toi, si Mambondo, toi, tu viens embrouiller les gens. Laisse l'histoire des vins de palme. Qu'est-ce que le vin de palme a à y avoir? Bon, je crois qu'on a fait le tour de tout. Oui, on a balayé la maison la nuit, ou faire ceci, ou bien serrer la main à quelqu'un, ceci, là, ou bien amener le piment, donner le pain, le piment dans la main de quelqu'un. Tout ça, c'est des histoires de superstition. Voilà pourquoi chez nous en Afrique, on n'avance pas. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Oh, de rien, de rien. Bien, nous allons nous séparer. Que Tete Monga vous bénisse. Nous allons clôturer donc. Oh là là, quelle est la question précédente que vous avez posée? Sur quoi? Sur quelle question que vous m'avez posée? Je n'ai pas eu votre question. Question importante, sur quoi? Veuillez la reposer là. Là, je ne veux pas maintenir les gens pour longtemps, bientôt une heure et demie. Je ne vois toujours pas la question. La sagesse de Djéhoutou, vous avez posé quelle question? Parce que je ne veux pas que vous me disiez que non, je n'ai pas répondu à toutes vos questions. Pourquoi nos grands initiés ne nous aident pas à avancer? Mais toi, j'ai dit, comment toi, tu trouves ça comment? J'ai déjà répondu à cette question dans le Baobab. Les grands initiés ne peuvent pas venir vous aider si vous n'avez pas le code secret. On n'a rien à voir. Ne mélangez pas la politique avec le spirituel. Le monde a été contrôlé justement par nos ancêtres. Le monde a été contrôlé par les grands initiés de machin. Nimrod, qu'on a démonisé, qui était le premier homme noir qui a défié Dieu, les dieux en allant construire la fameuse tour de machin. La fameuse tour de Babel et tout ça. Bref, non. Il faut aller vers les ancêtres. Parce que, pour être plus clair, répondre à votre question, il y a une barrière qui nous sépare entre les grands initiés et nous. Moi, je n'ai plus cette barrière, je l'ai déjà percée. OK? Donc, la plupart des humains qui vivons de notre jour, vous vivez dans les pays des Blancs, là. Nous tous, nous y sommes. Bon, moi, la différence, c'est que quel que soit l'endroit où je me trouve. Donc, moi je ne sais pas. Bon, toi, tu nous poses des questions. Je n'ai pas dit d'aller vers ceux qui nous ont fait du mal. Qui vous a fait du mal? Hein? On parle des ancêtres, de votre descendance. Il y a des réponses que je pose, je réponds à cette question. Les ancêtres de votre dépendance, ils sont dans un monde des possibilités. Maintenant, ceux qui ont fait le mal, ils ne sont pas au même niveau que ceux qui ont fait le bien. Voilà pourquoi les religieux sont influencés par cette affaire de l'enfer et du ciel. Mais dans le monde tridimensionnel, dans le monde des morts, ce qu'on appelle le royaume des morts, il y a plusieurs niveaux. J'ai déjà fait un enseignement dessus. Oh là là, je veux bien éclaircir la question sur cette affaire, pourquoi nos grands initiés là-bas ne nous viennent pas en aide. Ce n'est pas qu'ils ne nous viennent pas en aide. Nous avons quelque chose qui nous sépare. Voyez-vous, ce qui nous sépare avec eux, c'est l'ignorance. Les Blancs appellent ça l'ignorance. Mais nous, en tant qu'initiés, on appelle ça le rideau. Et même Jésus, souvenez-vous, lorsqu'il est mort, on nous dit que derrière, il y a un rideau qui s'écrase. Vous rappelez ici qui dans la Bible, il y a un rideau après sa mort. Mais c'est parce qu'il est parti du monde d'illusion au monde réel. Donc nous avons une barrière qui nous sépare entre nos grands initiés et nous. Voilà pourquoi je vous ai dit, si vous passez par les trois étapes, quel que soit le niveau dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, des souffrances, vous plaignez, des ceci et cela, les actions que vous avez posées ou les mauvais comportements que vous adoptez, là c'est pour cela que je propose l'initiation douce justement. L'initiation douce est une initiation de sensibilisation qui passe par la désindividualisation, l'alchimie interne qui consiste donc pour vous de pouvoir calquer votre vie désormais selon l'ancien homme que les biblistes appellent le nouvel homme. Mais ce nouvel homme en réalité c'est l'ancien homme. L'ancien homme là c'est qui? C'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire le divin, le monde pur, l'esprit pur, qui fait en sorte que lorsque vous avez bu du vin, vous pensez que vous êtes sous, mais en réalité vous n'êtes pas sous, parce que l'âme n'aime pas la saleté. L'âme habite dans ce corps. Votre corps c'est le temple de Dieu, mais Dieu qui habite en vous, mais c'est cette âme là selon la Bible, selon le livre saint qui disent que Dieu crée à son image, et après avoir créé l'homme à son image, il insuffla dans ses narines le souffle de vie. Et après avoir soufflé dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint donc une âme vivante et consciente. Donc, il devint une divinité et il devint la ressemblance de Dieu. Mais cette ressemblance de Dieu qui est en nous, c'est-à-dire notre âme, pour qu'elle rentre en communion avec nos ancêtres, il faut vous initier. Pour vous mettre en éveil total. Donc, dès que cet éveil est effectif, alors il y a une connexion naturelle. Pour nous, moi je dis naturel parce que ça fait 45 ans que je fais ça, mais ça prend du temps naturellement. Donc, dans l'initiation douce, notamment la dépersonnalisation, la désindividualisation, donc vous vous désindividualisez, c'est-à-dire que vous faites mourir le vieil homme. Et ce vieil homme meurt comment? Par la méthode que les chrétiens appellent les commandements, les lois de la vie. Et là, je vous ai parlé du cas de Mubanjo, comment il s'appelle, Mandjango. Mais Mandjango, il faut qu'il fasse la désindividualisation. Et même la dépersonnalisation. Parce que la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est une personne qui a été calquée et programmée à cause du commandant. On vous a dit, parce que vous êtes maintenant général, vous devez plus être gentil avec les subalternes. On vous a dit, parce que vous êtes général, allez-y faire le rite de brouter la bite de quelqu'un qui est la bite séchée de quelqu'un pour avoir le pouvoir. Alors, on vous donne une nouvelle personne. On vous a créé une nouvelle personne. Vous n'êtes pas réellement la vraie personne là, qui est née avec vous. Parce que la vraie personne qui est née avec nous, c'est la personne qui a l'image de Teta Munga di Banga Banga. Vous comprenez? Donc, les questions que vous me posez sont très profondes et ça peut faire l'objet d'un autre enseignement. Donc, par conséquent, je prends au sérieux la question là. Pourquoi nos grands initiés, on a l'impression qu'ils nous ont abandonnés? Non, ils ne nous ont pas abandonnés, ils sont là. Ils sont là. Vous comprenez? Ils sont là, il n'y a rien d'impossible. Mais si vous êtes au niveau où vous êtes maintenant bloqué, vous pensez que tout ne marche plus, vous avez l'impression que tout vous tombe du ciel. Mais je vous ai déjà donné le... comment dirais-je? Je vous ai percé le voile. Le voile, c'est celui-là. Voyagez dans l'espace et le temps dans votre vie passée jusqu'à l'actualité. Parce qu'on est conscient à partir de l'âge de 5 ans. Ça, c'est ce que mes parents m'ont appris. Et je me rappelle encore de ce que j'avais fait quand j'avais 5 ans. Je me rappelle à l'âge de 5 ans, j'observais papa et maman se disputer lorsque mon père est parti à Pointe-Noire dans une compagnie qu'on appelait Fina à l'époque. Vous vous imaginez? Je vous amène vers les... quelle année, moi? Les années 70, 71. Donc, la mémoire. C'est cette mémoire-là sur laquelle vous devez travailler. Votre mémoire à vous, la mémoire individuelle. Non, quand vous me parlez, là, vous amenez un débat trop compliqué, là. Quand vous parlez du point de vue communautaire, mais... Avant de parler du point de vue communautaire, mais nous les initiés, moi personnellement, je ne sais pas ce que les autres disent, moi j'appelle ça d'abord la conscience collective. Mais avant d'aboutir à la conscience collective que vous appelez l'entité communautaire, il faut d'abord votre conscience individuelle à vous. Chacun individuellement doit éveiller cet atome. Voyez-vous ? Chacun de nous individuellement a l'atome en nous. Les religieux disent que le temple de Dieu est en vous. Les religieux disent que Dieu n'habite pas dans des temples qui sont faits de mains d'hommes. Ça, c'est le fondateur du christianisme. Mais nous, les initiés, nous disons, oui, le pouvoir de l'homme est en vous. Quand vous allez voir un Ganga, il va vous dire, mais ton étoile, ton oncle a pris ton étoile. Mais cette étoile, c'est quoi? Mais c'est l'étoile divine. L'étoile divine que Teta Munga nous a donnée, c'est ça. Voyez-vous? Donc, il faut, voilà pourquoi je vous demande d'aller lire. Suivez, vous êtes tout nouveau là. Mais quand je vous demande de visionner toutes les 174 vidéos qui sont disponibles ici, en dehors des 500 autres que j'ai sur Facebook, vous n'aurez plus à me poser toutes ces questions comme je le disais ce matin. Parce que toutes les questions que vous me posez là, moi je les ai déjà répondues. Il y a eu ce qu'on appelle des programmations. Notre frère Abalang est venu avec des programmations. Et ces programmations nous ont colonisés de trois manières, je dirais quatre. Il y a eu une colonisation d'abord intellectuelle, politico-scientifique, économique. Il y a eu une colonisation religieuse, une colonisation spirituelle, une colonisation de la personnalité. De la personne, voulais-je dire. On ne peut plus, on voit les gens qui font du Kwanzaa, qui veulent changer leur teint. On voit des mamans qui portent des mèches, des gens qui sont morts au Brésil. Vous voyez? Et c'est une forme de colonisation. On va maintenant là-bas devant mettre le genou devant Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Au lieu de mettre le genou devant Horus, en réalité, qui était ce Jésus, c'est Horus. Voilà, c'est ça la colonisation. Alors, je donne un enseignement dessus pour vous dire, justement, vous aurez les réponses à toutes vos questions, mais le problème commandateur, communauté. Mais justement, chacun individuellement. Voilà pourquoi j'ai créé ta Tanzambe ici. Voilà pourquoi je fais des séminaires. Voilà pourquoi je suis en train de préparer mes livres. Peut-être qu'au moins ces livres peuvent toucher la majorité des gens, dommage que ça va être fait en anglais, ce sont les Américains qui vont profiter ici, mais ça va être fait en français également, envoyer ça vers l'Afrique. Donc il faut, voilà pourquoi j'ai intitulé tous mes prochains séminaires, l'éveil de la conscience de l'homme noir. L'éveil de la conscience de l'homme noir. Mais cet éveil de la conscience de l'homme noir passe par quoi? Elle passe par la déprogrammation. La déprogrammation, c'est quoi? C'est nous enlever de tous ces programmes. L'intellect de l'homme noir a été intellectualisé par l'intellect de notre frère Abalang. Je ne suis pas raciste, je ne suis pas contre mon frère Abalang, je le respecte parce que beaucoup sont en train de me suivre. Notre intellect. Ça, c'est un problème déjà. Vous qui me suivez, c'est votre devoir. C'est votre devoir d'aller sensibiliser les nôtres. De leur demander de s'abonner ici. Afin qu'ils profitent de ce genre d'enseignement. Parce que Dieu seul sait combien de temps encore j'ai à vivre. Vous comprenez? Ce n'est pas une question de faire le discours. J'ai horreur du discours. Voilà quelqu'un qui vient avec les gros mots de l'écodème, de ceci et cela. Les névroses de l'écodème. Ok, je comprends. Mais votre éveil de la communauté, c'est l'éveil d'abord individuel avant de pouvoir contaminer l'éveil collectif. Vous êtes combien d'abonnés? Voilà, je savais que vous êtes nouveau. Abonnez-vous. À la fin de cette vidéo, appuyez, cliquez à droite, ça va vous amener dans nos... Dans les forums, j'anime près de 3 forums. Hein. Il y a peut-être 600 et quelques personnes qui sont là-dedans. Il y a des enseignements qu'on donne tous les jours, que je partage tous les jours, personnellement. J'anime cela. OK? Et il y a des gens aussi qui sont très avancés, qui sont là. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Vous voyez que finalement, les nouveaux qui viennent me ramènent encore dans mes vieux enseignements. Donc, que Tata Mwanga vous bénisse. Merci, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, nous allons clôturer. Merci. Merci. Merci. Vous avez appris ceci. On ne peut avoir recours à la magie. On ne peut avoir recours auprès du sorcier. Avoir recours auprès du marabout. Que si et seulement si, nous apprenons d'abord à nous connaître nous-mêmes, à faire ce qu'on appelle la rétrospective, l'examen de soi. Une fois qu'on a fait l'examen de soi et que nous savons ce que nous avons créé aux autres, tout le tort que nous avons créé aux autres, tout le mal qu'on a fait aux autres, toutes les choses que nous avons fait au cours de notre vie, et ce que nous faisons maintenant, à l'heure actuelle, nous payons notre propre fardeau. Mais Tata Mwanga est très gentil. Il n'a pas besoin de nous attendre au jour du jugement. Il n'a pas besoin de nous attendre au jour du jugement. Mais il est en train de nous faire payer ça maintenant. Donc, cet examen de soi, c'est très important. De payer ça maintenant. Et ensuite, avancer. Maintenant, on nous a parlé du karma. Mais ce karma, c'est quoi? C'est à peu être le résultat des actions que vous avez posées à des cela d'autres incarnations. Mais ça, c'est un business que seuls les génies maîtrisent. Mais ce que vous maîtrisez, c'est ce que vous aviez fait depuis l'âge de 5 ans jusqu'à présent. Donc, à quand vous ne pouvez avoir recours à la magie, recours auprès du marabout, recours auprès de la sorcellerie, à une seule condition sine qua non, que c'est lorsque toutes les autres méthodes n'ont pas marché, que toutes les autres méthodes ne vous ont pas stabilisé votre vie. Parce que dans la vie, il faut d'abord commencer par le côté rationnel avant d'aller dans le monde irrationnel. Comme on le dit en sciences politiques, en négociation, votre homme serviteur a pris la négociation, relation internationale. La guerre est la dernière option. Mais on passe d'abord par quoi? La rencontre, la négociation des deux belligérants. Les gens négocient, ça parle, les pourparlers, ainsi de suite. Ensuite, on envoie des intermédiaires, des envoyés spéciaux qui viennent négocier pour essayer de résoudre le problème. Et quand ça ne marche pas, l'arme n'est toujours pas la dernière option. On continue toujours à encourager des rencontres. On va dans un terrain neutre. Et une fois qu'on arrive dans ce terrain neutre, si ça ne marche pas, en ce moment, les organismes internationaux vont pouvoir imposer des sanctions très fortes. C'est là où la guerre viendra. C'est le cas de l'Irak. Un exemple qui n'est peut-être pas bon, pardonnez-moi. C'est le cas de la Libye. Un exemple qui n'est peut-être pas bon, pardonnez-moi. Et d'autres pays que nous connaissons. C'est comme ça. Les puissances ont imposé la guerre. Et c'est donc la guerre qui est la dernière option. Il en est même dans les pratiques bizarres, spirituelles, occultes, mystiques. La magie reste le dernier recours. Moindre mal de tête, un moustique qui vous a piqué, le nez gonflé. N'allez pas accuser le grand-père. Soyez rationnel. Cherchez à savoir. qu'est-ce qui se passe? La sorcellerie, il faut d'abord la mettre de côté. Soyez d'abord réel et rationnel. Voilà ce que je tenais à vous dire ce soir. Merci de m'avoir suivi. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. D'ici là, portez-vous bien. Si Teta Mwanga le voudra, nous allons sûrement nous retrouver la semaine prochaine. Et bien, d'ici là, quand même, veillez partager cet enseignement auprès de ceux qui en ont besoin. Et qu'aujourd'hui, qu'ils comprennent qu'ils ont dépensé leurs énergies, ils ont dépensé leur argent en courant trop vers les charlatans, en courant trop vers nos frères initiés, spirituels et autres. Je ne suis pas contre, mais retenez une chose. Ça doit être le dernier recours. Le dernier recours, c'est ça, le dernier recours. Ça ne doit pas être le premier recours. Ce n'est pas nécessaire de se précipiter sur ça. Ça doit être le dernier recours. Et que tout ce soir, vous devez retenir une fois pour toutes qu'en réalité, la magie, la sorcellerie et toute autre technique, c'est pas mauvais, mais ça ne doit pas être votre priorité. Votre priorité, c'est d'abord vous-même. Vous comprenez? C'est ça. Votre priorité, c'est d'abord vous-même. La priorité, ce n'est pas la magie. Soyez rationnel. Soyez bien rationnel dans tout ce que vous faites. Et faites tout le possible de venir aux sources. Votre intellect. Retrouvez-moi votre intellect. Faites comme moi, votre serviteur. Je suis au pays d'Abraham, bientôt 20 ans. Je voyage à travers le monde. Mais je fais ce qu'on appelle le syncrétisme. Je fais ce qu'on appelle le syncrétisme. Ce qui est bon, je garde. Ce qui n'est pas bon, je rejette. Il en est de même de tout ce que je vous dis ici. Je ne vous ai pas dit que tout ce que je dis forcément, c'est bon pour vous. Bien que tout ce que je dis, ce sont mes génies, ce sont mes ancêtres, ce sont les maîtres invisibles qui m'inspirent. Moi, je vous dis, je ne me prépare pas du tout. Mais si ce que je dis ne vous paraît pas bon, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Dites non, c'est trop fort pour moi, je ne l'accepterai pas. Mais si c'est bon, gardez cela pour votre meilleur bonheur et le bonheur de vos enfants et des générations à venir. Merci. Merci. Mwana vigi na kekodoti, kebiga na kekwako. Avigi na kekodoti, kebiga na kekwako. Omu sige tanga, sika genda kona kenge. Omu sige tanga, o mwana manyama. O kemanyewa. Thank you. bobia na mtunze na konyama na musiki na vitwani kuma na nunia na ndunge na mulenda bosongola na bonede kuwa kuna wo na mulenda bopiko mengo na mengo yo singa singa na mukolo bo miminu na molo yo kuchu kukete kukitu iba uiba Mbili tuba ya kumbangwa na wapinzi Ndete tabi nyumba Olipidi ya longongima Ndobono komisu kongima Ki? Ah.